Les petites histoires de Tell Me. Perdu dans la forêt, Arsène. C'est le début des vacances et il ne fait pas encore tout à fait froid. Arsène, le petit éléphanto, est en train de lire tranquillement dans sa chambre. Le livre raconte une aventure de princesse qui sauve un chevalier d'une vilaine licorne ensorcelée. Arsène trouve que c'est un peu n'importe quoi cette histoire, parce que les licornes, c'est toujours super sympa. Mais ça lui donne quand même envie de partir à l'aventure dans la forêt. Papa, maman, je vais jouer dehors cet après-midi. D'accord, mon chéri. Prends bien ton cache-trompe, le fond de l'air est frais. Arsène s'en mitoufle, mais pas trop. Il enfile son bonnet mou, son écharpe à carreaux et met dans son sac un sandwich à la confiture de carottes. Arsène veut bien être un chevalier sans peur et sans reproche, mais il ne veut pas être un chevalier sans sandwich pour le goûter. Le voilà parti, son épée en bois sous le bras. Il marche tranquillement, les oreilles au vent. Il guette les monstres de la forêt pour les pourfendre super fort. Arsène est content de pouvoir pourfendre. Il trouve que c'est un joli mot. Il a dû demander ce que ça voulait dire, parce que les chevaliers le pourfendent tout le temps. En fait, ça veut dire donner des super coups d'épée dans des ennemis. Comme dans la forêt, il n'y a pas trop des vrais monstres, Arsène pourfend des buissons. Mais comme ce sont des buissons qui piquent, c'est un peu comme des ennemis. À un moment de sa balade, c'est un peu l'heure du goûter. Arsène le sait parce que son ventre gargouille. Il s'assied à cheval sur une bûche et sort le sandwich à la confiture de sa besace. Il sait bien que les chevaliers prennent toujours le goûter sur leur fier destrier. Comme il y a beaucoup de confiture de carottes dans son sandwich, ça coule un peu partout et en plus, ça colle. Soudain, il entend un bruit, un bourdonnement. Ça fait bzzz, de plus en plus fort. Et de derrière un arbre surgit une nuée d'abeilles qui ont bien envie de goûter avec lui. Il ouvre des grands yeux apeurés et se sauve d'un seul coup, sans même prendre le temps de ramasser sa besace. Arsène court en hurlant pour se sauver loin des abeilles. Il sait pourtant qu'elles ne piquent que pour se défendre, que si on les embête vraiment très fort. Mais il n'y peut rien. Il ne contrôle pas du tout sa peur. Alors Arsène court et trébuche, se relève, se sauve encore. Il se sauve un peu trop vite et surtout un peu trop loin. Il s'arrête dans une clairière, tout essoufflé. Sa trompe est toute flagada et pleine d'égratignures. Et il a si soif! Heureusement, il y a une jolie mare pour boire. Arsène plonge sa trompe et boit l'eau qui fait du bien. Il boit longtemps, jusqu'à ce qu'il entende un petit cri étouffé et que sa trompe soit à moitié bouchée. Non mais ça va pas, non? C'est une grosse grenouille pas contente qui s'agite dans une des narines d'Arsène. Oh là là, pardon, attends, je te mouche. Arsène souffle un grand coup dans sa narine droite et la grenouille s'envole loin dans le lointain en poussant un très long « Non !» Oh bah zut alors, je ne savais pas que les grenouilles savaient aussi bien voler. Arsène s'époussette un peu, regarde autour de lui et réalise qu'il ne reconnaît rien du tout. Autour de la mare, les arbres sont un peu tristes. Il ne s'est jamais aventuré aussi loin. « Allez, chevalier, il faut retrouver le château. » Il essaye de se donner du courage, mais il commence à être inquiet. Il fait demi-tour et essaye de retrouver le chemin de sa maison. « Je n'aurais pas dû souffler si fort. Elle aurait peut-être pu m'aider, la grenouille qui vole. » Au bout d'un quart d'heure ou deux, Arsène ne veut plus être un chevalier courageux. Il commence à dessiner des flèches par terre avec sa trompe pour se rappeler par où il est déjà passé. De temps en temps, il écrit dans le sol « Pour retrouver Arsène, suivez les flèches. » Son papa et sa maman vont le retrouver. C'est sûr. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Sibyline et Frédéric Bagérès. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellme.com. dalleming.com. À la semaine prochaine.